إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا أي باب؟ تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. في قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Il a dit dans ce verset, il y a le tafsir de la ilaha illallah. كيف هذا؟ إنني براء مما تعبدون، هذا نيجاسيون، في النفي. نعم. إلا الذي فطرني، هذا الإثبات، وهذا لله عز وجل. أحسنت. وذكرنا شيئا في المحبة، الأمور. ما ذكرنا؟ قلنا عن المحبة أقسام. ما هو المحبة لله؟ يعني محبة الله، يعني محبة الله. نعم. والمحبة، ما حكمها؟ نعم. سي كوا سون جوجمون؟ محبة الله ما حكمها؟ واجب. واجبة، عبادة. هي غاية العبادة. نعم. و الطبيعية، ناتشوريل، والمحبة هي التي لله. في الله، لله. نعم. أن تحب ما يحبه الله وتبعد ما يبغضه الله. Tu aimes ce que Allah il aime et tu détestes ce que Allah déteste. وهذه من كمال الإيمان، في partie de la perfection de la foi. الولاء والبراء. Et cet amour-là également peut être une cause de ta sortie de l'islam ou de ta sortie de la salafia. Si tu vois, Ali, tu as un amour pour les kuffars, cet amour, même si tu les aimes pas plus que Allah, ou comme Allah, mais moi, mais tu les aimes d'un amour qui n'est pas légiféré, un amour qui ne revient qu'au mu'minin, tu sors de l'islam. Et kazalik, si tu m'as aimé les gens de la bid'a, arrivalika, tu feras partie d'eux. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, المرء مع من أحب يوم القيامة. L'homme sera avec qui il a aimé يوم القيامة. Et dans la mahabba, une masala qu'on n'avait pas cité hier, مما يحب يدخل في العبادة أن تحب شيئا كما يعني محبة مستحقة لله. Un amour qui ne revient qu'à Allah, c'est les choses de la dunya comme l'argent. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيسى عبد الدينار وتعيسى عبد الدرهم. Que périsse l'adorateur du dirham et du dinar, c'est-à-dire celui qui aime l'argent. Car tu as des gens, ils ont vendu leur religion pour de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont aimé cet argent autant que Allah, ce n'est plus. Donc cette mahabba fait de toi un mushrik. Ces gens, comme a dit le Nabi sallam, abdu dinar, dans le sens qu'il est asservi à l'argent. Son but principal dans cette vie, c'est la dunya. Il adore la dunya. La dunya, il l'adore. Même s'il ne se présente pas pour elle ou quoi, il se bat pour elle, il aime pour elle, il déteste pour elle, il se bat sur elle. Il est badal kalbiya, il l'est fait pour elle. Et il délaisse sa religion pour pouvoir obtenir cette dunya. Car dans son cœur, il y a une mahabba. Mais on ne dit pas que c'est tout personne qui fait un péché pour de l'argent qui a une mahabba shirkiya. Mais t'en as, c'est un stade. Ça, les koufars, c'est ça. Ce sont des gens matérialistes. Eux, c'est la dunya. Parmi les choses qui touchent à la ibadah des koufars, la dunya. Ils sont à fond dedans, comme tu le sais. Tout est le haut pour eux, leur mizan, c'est être dunya. Ta valeur pour eux, c'est dans ta dunya. Qu'est-ce que tu as dans la dunya, combien d'argent tu as, qu'est-ce que tu rapportes, tout ça, c'est ça leur référence. Et celui qui n'a rien ne vaut rien pour eux. Ah ben, c'est l'islam, alhamdoulilah, c'est kazalik. L'islam, inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. Indana, ahamishi tawhid, wa indallah at-taqwa. الآن سندخل في الباب الجديد وهذا الباب غير مذكور في الكتاب ما في شرح il n'y a pas d'explication le chir dans ce le chir d'une base dans ce bab-là donc on va inshallah lire dans celui de chir en famine chez Anma on a le bab on n'a pas le charh قال باب comme on l'explique on peut dire باب من من ou باب من و باب مضاف الى الجمله من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او ضعفه qui est من الشرك parmi le shirk l'association le fait de porter un anneau ou un fil ou ce qui y ressemble pour repousser le malheur du moins pour ôter le malheur ou pour le repousser نعم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله من الشرك هنا من حرف الجر للتبعيض c'est-à-dire elle vient pour définir une chose partielle parce que من ça a différents sens ça a le sens ابتداء ça vient de خرجت من البيت sortir de la maison تقول également هذا من محمد ça vient de محمد et parmi le sens de من il y a تبعيض une partie d'une chose مثلا تقول منا ومنا المسلمون ومنا دون ذلك ومنا الصالحون ومنا دون ذلك كان جاء في بعض آيات parmi nous مثلا des pieux et parmi nous des gens qui sont moindres parmi nous donc là il veut dire quoi parmi le shirk du shirk c'est-à-dire que ce n'est pas tout le shirk mais cela en fait partie قال الشير كما قال اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لبسها لابسها donc il dit que le shirk c'est un nom d'ensemble qui regroupe le asghar et le akbar et le fait de porter ces choses là l'anneau ou le fil ou des choses par lesquelles tu as une croyance qu'elle repousse le mal ou qu'elle l'enlève, cela peut être akbar ou asrar, ça dépend de ta croyance, la croyance de celui qui porte cela. Hadha fi tafsil. Qal wa kana libs hadhihi al-ashya' min ash-shirk. Lianna kullama athbata sababan lam yaj'al Allah sababan shar'iyyan wa la qadariyyan faqad ja'ala nafsahu sharikan ma'a Allah. Car lui, il porte une chose et lui attribue une propriété que Allah ne lui a pas accordée. Car des choses, elles ont des causes. Tamam ? Des causes shad'iyya, tirées de la législation, et des causes qadariyya, on appelle également kauniyya, autres que la législation, qui sont liées à comment on dirait, à la tajriba, à l'expérience, des choses qui ont été essayées, qui ont été démontrées, qui ont été qui ont été vus. Donc, et ces causes-là, qui est-ce qui l'aimait ? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Donc, celui qui vient, qui rend une chose cause alors qu'elle ne l'est pas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis lui-même associé à Allah en émettant un jugement sur une chose que Allah n'a pas mis. Ce jugement-là, il vient de sa tête à lui. C'est pas Allah qui a dit cette chose-là, elle te guérit, cette chose-là, elle te rend malade, cette chose-là, elle fait cela. Parce que c'est Allah qui a décrété les choses. Wa hadha fi ma'adha شرك في الربوبيه ça rentre dans tadbir al-umur dans le contrôle des choses ça rentre dans al-rububiyyah il dit مثلا قراءه الفاتحه سبب شرعي للشفاء le fait de réciter la fatiha c'est un سبب شرعي c'est une chose tu ne l'aurais pas su sans le charh sans dalil شرعي tu n'aurais pas pu le savoir et مثلا prendre à l'accessif pour dégager ce qu'il y a dans le ventre comme chose mauvaise, là c'est qadari, kauni. C'est une chose, même sans texte religieux, tu aurais pu le savoir, car on l'a su comment ? Par les essais, par les constats réels, comme les médicaments qu'on prend. Ce sont des choses, à la base, on n'a pas un texte particulier. Certains médicaments, naam, comme le asal, comme le ta'ala, في شفاءٌ للناس. Le asal, il y a une guérison. On a des hadiths qui le prouvent. Et d'autres médicaments tirés de At-Tibb An-Nabawi, la médecine prophétique. D'autres choses, l'homme l'a découvert bi-iznillah par d'autres moyens que la législation. Aujourd'hui, on n'a pas de médicaments. Ce n'est pas la religion qui nous a démontré. Et on a vu que ces médicaments étaient nafia, on les a testés. On a vu que ça fonctionnait pour de vrai. Et qu'il faut que le comment dire, l'effet soit rapide et clair. Et que également la chose que tu utilises, elle a un lien avec le mal que tu as. Ben, ça, c'est pas demain, tu as une chose qui est liée à la vue et tu mets un anneau alors au gros orteil. À la base, ça n'a pas de lien. Maintenant, il y a des sciences subtiles qui découvrent des lieux qui sont liés à des choses comme, comment s'appelle déjà cette science-là asiatique, l'acupuncture. Ils te piquent des aiguilles à des endroits spécifiques qui sont liés à des... Des fois, c'est un endroit où tu te dis, c'est quoi le rapport? Ou des hijamas, la hijama, مثلاً. La hijama, c'est une cause qui est shari. On a des hadiths qui sont venus. Et également, qadari, car on a vu clairement que même des koufars ou des gens, ils ont utilisé ce système-là sans avoir regardé les hadiths, ou peut-être qu'ils ont pris des muslims. C'est possible. C'est fort possible. Et des fois, les hijamas sont faits à des lieux. Tu te demandes, c'est quoi le rapport entre ce lieu-là et le mal que j'ai, مثلاً. فهمت؟ هذا هو. ثم قال الشيخ بذلك que les gens par rapport au asbab ils sont entre deux extrêmes et un juste milieu. Deux extrêmes et juste milieu. قال الأول من ينكر الأسباب, celui qui rejette les asbab كلها, il n'y a pas de sabab. Donc celui-là il renie la hikma d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les Jibriya ou les Ash'ariya. Les sectes égarées, munharifa, qui eux voient qu'il n'y a pas de sabab. C'est Allah qui fait, c'est tout. Toi, tu n'as rien à faire. Athani, man yagrou fi izbat al-asbab, hatta yaj'alou ma laysa sabab sababan. Et après, il y a ceux qui exagèrent. Ça, c'est l'autre extrême, qui vont trop loin. Qui mettent des causes qui n'en sont pas. Ils prennent des choses qui n'ont rien à voir et disent ça, c'est une cause pour telle chose. Ça, c'est une cause pour telle chose. C'est une cause pour telle chose. Et ceux-là, ces gens-là, quand même, ce sont des gens très superstitieux ou des mystiques comme les gens parmi les soufiyars et les zalika. Et chez les koufars, la plupart sont comme ça. Parmi le couf des koufars, ça. La superstition et des fausses croyances comme cela va venir dans le bab et dans celui qui vient après. Thalith, al-wasat, le juste milieu. Man yu'minu bil asbab wa ta'thiratiha. Celui qui croit aux causes et en leur effet. Quand même. Cependant, eux, ils n'affirment une cause que si Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a affirmée parmi les causes shari'iyah. Et les kauniyah, comme on l'expliquait, par la tajriba, par l'expérience. Donc il dit, لِبْسَ الْحَلْقَةِ وَنَحْوِهَا إِنْ يَعْتَقَدَ لَابِسُهَا أَنَّهَا مُؤَثَّرَةٌ بِنَفْسِهَا دُونَ اللَّهِ فَوَ مُشْرِكٌ شِرْكًا أَكْبَرٌ في توحيد الربوبيه لانه اعتقد ان مع الله خالقا غيره. Donc celui qui porte un anneau et qui a pour croyance que cet anneau en lui-même repousse un mal ou l'enlève, lui aurait fait du shirk akbar, qu'elle aurait fait une cause que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu cause. Dans ce cas, il dit c'est cet anneau là qui me guérit, c'est cet anneau là qui me protège. Donc là, c'est comme si cet anneau là c'est un khaliq, c'est-à-dire dans le kaun, il a un contrôle dans les choses. C'est le shirk dans la rububiyya. Shirkun akbar. Wa ya'taqadu annaha sabab walakinahu laysat mu'assaran bi nafsihi fa huwa mushrikun shirkan asghar. Li'annahu lamma i'taqada anna ma laysa bi sababin sababan faqad sharaka Allah ta'ala fi al-hukm li hadha ash-shay' bi annahu sabab. Wallahu ta'ala lam yaj'alahu sababan. Donc par contre, si la croyance que cet anneau, مثلاً, qui porte, il dit c'est Allah qui guérit, mais Allah va guérir par le biais de cet anneau. Là, c'est du shirk asghar, car il rend le contrôle à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a rendu une cause que Allah n'a pas rendu cause. Donc il sera mis, yani, à décréter une chose qu'Allah n'a pas décrétée dans sa création. Mais du fait qu'il a rendu cette chose-là, il a rendu à Allah, C'est pas du shirk akbar. C'est du asghar. Et cette chose, elle soit shar'iyya ou kawniyya, c'est la même chose. Donc ce tafsil, il va pour toutes ces choses-là. Les médicaments et autres choses qui sont utilisées dans lesquelles l'être humain aurait une croyance qu'elles apportent un bien ou un mal. Quoi que ce soit les choses, comme les porte-bonheur ou les choses qui portent malheur, comme eux ils s'imaginent quand on en tira, ça va venir. مثلا القرآن كذلك في شفاء للناس القرآن كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. C'est معروف الرقية, comme cela va venir dans le bab qui vient. الرقية c'est à la base fait de Coran et de dua, et c'est une shifa, c'est un sabab de shifa بإذن الله تعالى qui est شرعي. Donc on a dit, si on a trouvé une chose, on a vu que son effet il est efficace, instantané, et qu'il est, c'est une chose, c'est pas arrivé à un, c'est arrivé de façon générale aux gens, quand même, il est accepté comme étant un sabab kouni, et c'est pas du shirk de l'utiliser. Thumma, qala Allah Azza wa Jal, yani le mot, dans le mot, l'auteur est dit, wa qala Allah Ta'ala, qul afara'aytum ma tad'ouna min dounillah, إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره قل حسبي الله على الله يتوكل المتوكلون plutôt. Dans le sens où Allah dit, avez-vous donc vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal, est-ce que ces choses sont en mesure d'empêcher ce mal? Et la fin du verset, il dit dans le sens, et c'est sur Allah que se repose le mutawakkilun. Et là, cela revient à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'interroge une chose, il sait que tu n'as pas la réponse. C'est pas une chose, une réponse en fait. C'est une question qui te bloque. Une question à laquelle tu ne pourras répondre, tu ne sauras répondre. Car ça n'existe pas. On t'interrogera, donne ta preuve. Et tu ne sauras apporter de preuves. Non. Et par rapport aussi, j'avais cité par rapport au Beb, au Unwan, le fait de porter un anneau, il dit que s'il s'agisse d'un anneau, qu'il s'agisse d'un anneau de, d'or ou d'argent ou autre, c'est le même jugement. Mais qu'à la base, porter de l'or, pour l'homme, c'est interdit. Et tout ce qui ressemble, et ça, ça rentre dans la croyance que beaucoup de koufars les ont, les deux mouchirikoun parmi les gens qui s'apparentent à l'islam, ils ont comme les choses comme les porte-bonheur. Les porte-bonheur qui sont très nombreux, et ça c'est très répandu chez les koufars. Ce sont les choses sur lesquelles, par exemple, tu as parlé de tawhid, ça, tu leur demandes que c'est faux. Comme par exemple, je sais pas moi, le trèfle à quatre feuilles, que ça porte bonheur. Le fer à cheval, que ça te protège du mal. Ils disent également une pièce trouée, une pièce d'argent trouée, que ça porte bonheur. La coccinelle, que ça porte bonheur soi-disant. Croiser les doigts. Quand ils font un truc, ils disent croise les doigts. Genre si tu vas y arriver, comme ils disent après eux. Touche du bois également. Enfin, touche du bois, tu vas y arriver. D'après eux. Marcher sur un excrément de chien du pied gauche. Nah, hein. Ils ont ça, je me rappelle très bien que avant l'islam, les gens le disaient. Des fois, ils n'y croient pas, c'est juste qu'ils le disent comme ça. Et agile à l'islam, ils n'ont pas de croyance de ça, tu vois. Ils vont dire pas de bonheur, mais au fond, ils savent très bien qu'il n'y a rien. Mais c'est resté des légendes, des coutumes qui restent dans le palais des gens. Et t'en as plein, ils ne croient pas. Mais le fait de le prononcer, c'est quand même, tu n'as pas le droit de le dire. Et malheureusement, on a également chez des gens de l'islam, du moins qui s'apportent à l'islam, ce qu'on appelle la main de Fatma. Que ça protège du mauvais œil. T'as également ce qu'ils appellent les gris-gris. Ça, c'est surtout chez les Africains qui prennent chez les marabouts. Ça va venir dans le bab du sihr. La patte de lapin également. Et chez les chrétiens, l'eau bénite, elle te protège de beaucoup de choses. C'est une eau du robinet. Le prêtre, il est venu, il a fait une prière dessus. Il la met dans une fiole qui a l'apparence de Marie. Et en réalité, cette eau-là, c'était une croyance, elle te fait plus de mal qu'autre chose. Et également le fait de jeter du sel pour enlever certains mots. Je me rappelle, il y avait ça aussi, jeter du sel. Il y a plein de trucs. Et tout ça, c'est que du baratil. Et celui qui a pour croyance ces choses-là, c'est le shirk. ثم قال في المتن المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسناد لا بأس به والحديث ضعيف في الحقيقة مما أذكر هو ضعيف نعم selon Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui a à sa main avait un anneau de cuivre. Il lui dit qu'est-ce que cela? Il dit c'est mon propos de la wahina. Il dit enlève-le car cet anneau ne fait que te rajouter de cette wahina, de ce mal. Si jamais tu meurs alors qu'il est sur toi, tu ne réussiras jamais. Jamais, il a dit. Donc ça menait que c'était à quoi? Dans le hadith du shirk akbar. Dans ce hadith, يعني الوهانة قال الشيخ ابن عثيمين هي مرض يوهن الإنسان ويضعفه وقد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء كما سبق. C'est une maladie qui affaiblit l'homme, qui l'affaiblit. Et cette maladie-là peut être en une partie du corps ou sur tout le corps. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait comprendre que cet anneau que tu portes ne te causera aucun bien. Donc cela te fait rentrer dans quoi? Dans le shirk. Dans ce hadith, on peut profiter de quoi? Qu'il y a inkar al-munkar. Et que celui qui fait inkar al-munkar, avant de commencer, qu'est-ce qu'il fait? Il interroge sur ce qu'il voit. Pour savoir c'est quoi la cause. Qu'est-ce que cette chose-là? Pourquoi fais-tu cela? Yastatsir awalen. Faut pas se précipiter et après mettre un jugement qui est hors contexte. Ça se trouve, il va être éclairé sur la chose. Il demande, c'est quoi cela? Après, il y a également wujub izalat al-munkar, l'obligation d'enlever ce munkar si tu peux le faire. Donc pourquoi cette maladie, ou plutôt cet anneau, ne te rajoutera que de la wahnan? قال فهذا الذي لابس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنا لأنه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه فهو سالم فإذا نزعها عاد إليه الوهن وهذا بلا شك ضعف في النفس. Il dit pourquoi tu rajoutes que du mal? Car celui qui la porte en ayant pour croyance que tant qu'il la porte il sera préservé de ce mal et que si jamais il enlève ce mal va revenir, cette chose là ne fait que lui apporter de la faiblesse. Car il se base sur une chose qui n'est rien, qui ne vaut rien du tout. Donc est-ce qu'il se renforce? Si demain il perd son anneau, il va être perdu. Il perd cet objet sur lequel il se base, il va être perdu. Ceux qui ont une croyance du porte-bonheur, ils perdent leur porte-bonheur, ils deviennent fous. Et aujourd'hui, les porte-bonheur, t'en as, là, ce qu'on a cité tout à l'heure comme c'est des exemples, mais t'en as, ils prennent n'importe quoi comme porte-bonheur. Ils vont dire c'est mes lunettes, mon porte-bonheur. Ils vont dire c'est ma montre. Ils vont dire c'est ma chaussure. Ils vont dire c'est ça ou ça, c'est un clou, il a trouvé un clou par terre, il va dire khlas, ça je vais faire un porte-bonheur. C'est totalement absurde. Ils vont prendre n'importe quoi, il va dire khlas, j'ai décrété que cette chose-là c'est un porte-bonheur pour moi. Et si jamais après le soir il arrive une chose, il le prend, il le jette contre le mur et dit ouais, ça sert à rien ça, il m'en faut un autre, il ne marche pas celui-là. Il cherche autre chose. Il lui faut un porte-bonheur. C'est-à-dire qu'il a pour croyance qu'il y a une chose qui protège. Mais le problème c'est que cette croyance-là, il ne l'a pas mis à sa place. Ce qui protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par des asbab shal'iyya, si il veut. C'est-à-dire, ça prouve que ce côté de iltijah ila Allah, il est présent en nous, on l'a. Mais quand tu ne le places pas à Allah, tu peux le placer dans n'importe quoi. La preuve, tu en as le place dans un excrément de chien. Marcher du pied gauche, ça porte bonheur. Ça va loin quand même. Najasa, c'est une chose qui est utile pour toi. Ah oui, je précise, tu marches dedans quand tu n'as pas fait exprès aussi. C'est un short chez eux. Sinon, tout le monde va s'amuser à marcher dedans, tu vois. Tu sais, t'as marché dedans sans faire exprès. Je me rappelle, c'est une condition qu'il y avait, soi-disant, d'après eux. Donc le prophète Sarsam lui a bien dit que si jamais tu meurs avec ça, c'est sur toi, C'est-à-dire, surtout avec cette croyance que tu as. L'anon lui-même, de souffle, c'est rien. Mais c'est-à-dire, il meurt. Et qu'il est sur toi, parce que tu le portes, parce que tu penses qu'il te protège, qu'il te guérit, en lui-même, tu ne le réussiras jamais. Tu le réussiras jamais. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك يعني المحقق dans mon livre à moi il dit que الذهبي l'a rendu موقوف voit qu'il est authentique Mokouf. Donc il est dit, Uqba ibn Amir, l'auteur du Marfouan, c'est-à-dire que ça remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais Mayazbout, Annou. Celui qui s'accroche à une amulette, Allah ne lui fera pas parvenir ou à obtenir ce qu'il souhaite, c'est-à-dire par cette amulette. Et celui s'accroche à des coquillages pour sa même croyance qui ne réussira pas également. Ça durait comme ça. Dans une version, celui qui s'accroche à une amulette a certes associé. Donc là, le sens, ta'allaqa, c'est pas le fait qu'il l'accroche en elle-même, mais qu'il accroche son cœur. Par cette i'tiqade, que cette amulette en soi. À la base, Tamima, c'est une chose qu'ils accrochaient au cou des enfants lors de leur naissance pour les protéger du Aïn. Et là, le hadith, plutôt le Athar, veut dire par là que celui qui accroche son cœur à cet objet, pensant qu'il protège d'un mal ou qu'il l'enlève, même, et non pas le fait de l'accrocher en lui-même tout seul, sans croyance, c'est lui qui s'est tombé dans le shirk. Et on a expliqué, ça peut être Akbar ou Asrar, ça dépend de sa croyance. S'il dit que ça vient de le Tamima en elle-même, ça c'est Akbar. Et si il dit que c'est Allah qu'on a fait une cause, c'est Allah qui protège, mais ça c'est une cause, qu'est-ce qu'il aura fait? Du shirk? Asrar. Wali ibn Abi Hatim an Huzaifa. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma. فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون que selon ibn abi hatim selon Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qu'il a vu un homme qui avait à sa main un fil pour le protéger de la fièvre accroché c'est-à-dire il a coupé ce fil en lisant la parole dans le sens où il dit et aucun ou la plupart d'entre eux ne croient pas en Allah si ce n'est en étant des mushrikoun des associateurs les gens souvent traduisent shirk par polythéisme car comme on l'expliquait les gens pour eux le polythéisme c'est le fait d'avoir plusieurs dieux comme ils disent dans leur version à eux comme c'est le cas des Grecs, des Romains avant que ne rentre le christianisme. Vous avez le dieu de la guerre, vous avez le dieu de la mer, le dieu du ciel, le dieu de Kaza, le dieu de l'amour, le dieu de... plein de dieux. Pas mal. Donc pour les gens qui ont une vision restreinte du marna uluhiya, ils pensent que le polythéisme, c'est avoir plusieurs dieux. On dit « na'am wala » Ça, c'est une partie du polythéisme. Mais le polythéisme, en fait, c'est le fait d'avoir différentes divinités. On est d'accord. Il va dire Naam. Il va dire, la divinité, c'est la chose que tu adores. Il va dire Naam. Tu lui dis, mais le problème, c'est que vous ne savez pas c'est quoi une ibada. Vous faites des adorations pour Allah. Donc, ces choses pour lesquelles vous faites votre adoration sont des divinités, donc vous êtes des polythéistes. Que vous le vouliez ou non. Il va dire non. Ben, on va le dire si. Mais lui ne pourra pas te dire c'est quoi une ibada. Par exemple, il va te prendre un porte-bonheur. Il va dire, moi, je ne l'adore pas. Je dis, non, mais tu lui as apporté une faculté qui ne revient qu'à une divinité. Seule une divinité peut te protéger d'un mal, t'apporter du bonheur ou te causer du malheur. Pas les gens. Sinon, tu porterais pas cette chose-là. Donc pour toi, tu as une croyance d'une chose, de l'invisible liée à cet objet. Il va te dire oui. Et bien, tu dis cette chose, cette croyance que tu as en toi, là, dans ton cœur, c'est une ibada, une adoration, et revient à Allah qui t'a créé. Donc, soit il est convaincu parce que tu vas le dire, soit il pense, tu dis, bah là, tu fais du polythéisme, tu adores cette patte de lapin ou ce trèfle à quatre feuilles. Et là, si c'est un fanatique, il va s'énerver. Tu lui dis, tu nerfs pour un trèfle à quatre feuilles. Tu lui dis, oui, c'est vrai, c'est une plante, elle est rare. C'est vrai, elle a trois feuilles. Souvent, c'est trois feuilles, c'est vrai. En dehors de ça, il n'y a rien. C'est un trèfle, c'est une feuille verte. Hein, et dans sa faculté, dans ce qu'on peut en profiter, c'est en donner à manger au mouton. Là, baisse. Tu le déchires. Tu souffles, il part dans le vent. Il a fait quoi ce trèfle? Rien du tout. Pour lui-même, il va faire quoi pour toi? À main toi, ce que tu fais là avec, c'est une chose qui va te coûter le feu de l'enfer éternellement. Donc c'est du polythéisme. Qu'il s'en rend compte ou pas. Donc là, c'est pareil dans ce Athar de Huzaifa. Cheikh Ibn Hizam, dans son ta'liq à Fath al-Majid, il dit que, comme on l'a pris dans Al-Akhir, Kitab Tathir al-Ittiqad, que Shaitan y joue avec les gens. Il fait des choses pour tromper les gens, les faire tomber dans l'égarement. Parmi ces choses qu'il peut faire Shaitan, c'est que des fois tu peux être atteint d'un mal, d'une douleur par Shaitan lui-même. Et ça, c'est biiznillah, c'est Allah qui l'a voulu. Par exemple, quand on est à la naissance, pourquoi est-ce que l'enfant il pleure? Parce que Shaitan le touche. Ça fait pleurer. Et tout le monde était atteint de cela à part deux. Mariam ou Isa, alayhi as-salam. Eux ont été épargnés du toucher de Shaitan à la naissance. Ils n'ont pas pleuré. Nous, on a tous pleuré. Ce pleur, les coups vont te dire, oui, c'est parce qu'il sort, il a froid, on dit, hey, là, Shaitan l'a touché. Il pleure. Ils ne vont pas te croire, eux. Ils ne croient pas en oreille. On dit, bah, c'est... vous cherchez un tas de causes qui n'existent pas, mais nous, on sait c'est quoi la cause. El Mohim, Shaitan, il peut te commettre, te causer des douleurs, des maladies. Biznillah ta'ala. Quelqu'un, il va prendre ce genre de remède, de protection, un fil ou un objet en lequel il croit qu'il a des facultés protectrices. Et c'est là, tu vois, que le mal, il s'amoindrit ou disparaît. Il dit, Alhamdoulilah, hier j'avais telle et telle chose, et j'ai porté telle et telle chose, j'ai pris tel et tel remède, c'est fini. J'étais allé voir, je suis parti voir tel homme, tel marabout, il m'a donné une lotion à boire ou pour me frictionner avec ou je ne sais quoi. Et le mal, il s'est fini, il s'est estompé direct. Alhamdoulilah. Donc ça marche. On dit non. Ce que tu as fait là, ça n'a pas été testé scientifiquement parlant pour dire que c'est une chose qui est kauniya, kadariya. Et ce n'est pas une cause shadriya. Pourquoi ça a marché? En fait, c'est Shaitan. Quand il a vu que tu as cru en cela, hop, son mal, il l'a enlevé parce qu'il t'a égaré. Il t'a eu. Comme on avait parlé de Ruqya avec les. Ou plutôt l'exorcisme avec les prêtres. Quand tu te mets à croire que Isa, c'est fils de Dieu, il s'en va et il dit bon, je t'ai eu, je m'en vais. Il dit regarde, le prêtre, il est venu, il m'a jeté l'eau bénite, il m'a fait le signe de croix, il a resté un tas de choses. Il m'a dit est-ce que tu crois en Jésus, fils de Dieu? Je dis oui, j'ai plus été possédé. Oui, parce que tu as maigru, donc je t'ai eu, il est parti. J'ai plus besoin de t'embêter, toi. J'ai eu ce que je voulais. Donc là, c'est pareil. Des fois, tu as des mots, les gens vont dire on a essayé, ça a marché. On dit non, ça n'a pas marché. Car à la base, ce mal, vient de Shaitan, il a voulu t'égarer. Allah lui a permis de pouvoir t'éprouver par cela. Tu étais éprouvé pour une chose que Allah qui est dans ton cœur, peut-être pour toi, t'éprouver toi et des gens qui sont autour de toi. Il faut savoir qui veut le haq. Comme ces arbres qui parlent, tout ça qu'on a cité dans Tantri al-Ertikad à la fin du livre. Également, dans ce Afar, il y a une preuve, un rod, à ceux qui disent qu'à Huzaifa a coupé ce fil immédiatement. En lisant le verset, pour dire que cela est du shirk. Amam, cela est du shirk. Ça veut dire là, dans ce vers, dans ce afar, à la base, c'est du shirk asrar. Pourquoi? Vous devez croire que Allah le protégeait par la cause de ce fil, de la fièvre. Tamam. Et ce que je voulais dire, c'est que dans ce afar, il y a un rod à ceux qui disent dans Maratib Inkaram Munkar. Au début, c'est par la main. Ensuite, c'est par la langue. Ensuite, c'est par le cœur. Certains, ils ont fait un taqsim, fi nazar, fi kalam. Ils disent que par la main, c'est que pour les hokem, les gouverneurs, les autorités. Toi, tu ne changes pas le mal par ta main. Par la langue, c'est pour les ulama. Et par le cœur, c'est pour tout le monde. l'istaqsim là, il n'a pas de dalil à la base. Il y a des choses, certes, tu ne pourras pas le faire toi-même. Dans certains pays ou quoi, c'est le hakim de le faire. Mais est-ce que c'est un al-Khlaq dans l'absolu? Non. Huzaïfa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé le fil directement. Il a fait une carte, un munkar, bimada, bil-yad. Après, bil-lisan. Il a parlé. Et dans son cœur. Donc des fois, le mal, tu peux toi-même par ta main l'enlever. Donc ça, tu n'as pas appelé un policier ou appelé des autorités pour pouvoir dire il y a telle et telle chose, agissez. Toi, tu es devant, tu es en mesure de le faire. Et ce que tu vas faire n'amènera pas à un plus grand mal. Fais-le. C'est wajib même pour toi de le faire. C'est wajib pour toi de le faire. Donc ce affaire est un rod, ça c'est une parenthèse par rapport à cela. Donc là, on va prendre les masa'il. Également, le chiricide qu'il y a dedans, non, on en a parlé dans Mahou, Tathir al-Atiqad, et dans Keshf al-Shubouat, en plus en détail, qu'elle n'excuse pas l'ignorance. Car ces hommes qui ont fait ces erreurs-là, ils ont été blâmés pour l'erreur, mais aucun jugement n'a été émis sur eux. Ils ont été avertis. Ce que tu fais là, c'est telle et telle chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté tout de suite. Car ils ne savaient pas. Et ce qui montre que des fois, même si c'était des sahaba ou des tabirines, des choses du shirk t'échappent. On ne connaît pas tous les abouab. Des fois, le shirk, il est là, il est khavi, tu ne le vois pas. Des gens, ils pensent que le shirk, pour eux, c'est adorer l'asnam pour s'aller devant une statuette ou ce genre de choses. On dit, c'est plus loin que ça. Ça, c'est une forme de shirk. T'en as d'autres. Attends, il y avait un truc. Cheikh avait dit, je voulais lire, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est où? Masala, mais je ne la retrouve pas. Dans lequel le shirk disait quoi? Que les gens qui s'accrochent à ce genre de choses, ce sont des gens qui sont... Des fois, ils ont des maladies psychologiques. Et ils sont des fausses croyances. À tel point que cette maladie, en fait, c'est lui-même qui se la cause. Et en fait, il n'a rien. Mais tellement il est psychote, comme on dit, il est parano, qui se fait du mal, il croit qu'il est malade, donc il ne l'est pas. Parce qu'il ne s'en remet pas à Allah subhanahu wa ta'ala. T'en as, c'est le contraire. Il s'en remet tellement à Allah qu'il ne s'en rend même pas compte qu'ils sont malades, il ne s'en rend pas compte. Il a une maladie, mais il ne le voit pas, ou peut-être que la maladie est très grave, il ne s'en rend même pas compte. Et lui, tu vois, il y a tahammel. Et l'autre, le moindre truc qu'il a, il en fait comme si c'était la fin du monde pour lui. Il y avait d'ailleurs, à l'époque, j'avais appris à l'école, une pièce de théâtre écrite par Molière. Tu te rappelles? Le malade imaginaire. Tu as connu ça? C'est exactement ça. C'était dans la tête seulement. Et dans cette pièce de théâtre, il y avait un côté hack là-dedans. C'était quelqu'un dans sa tête qui s'imaginait être malade. À telle époque, il en est mort. Il me semble à la fin de la pièce, il meurt, le personnage. Donc, même chez les koufars, ils savent que des fois, tellement tu as une faiblesse dans ton cœur, tu t'imagines des choses qu'elles finissent par influer sur toi. Et vraiment, au final, tu deviens faible, t'en meurs. Tellement ça joue sur toi et tu te l'imagines la chose. Et d'autres, tellement ils sont forts, qu'il leur arrive un mal, c'est rien ça. Et tu vois, ils supportent la chose. D'autres personnes peut-être seraient tombées. Et lui, tu vois tellement il est fort, il dit, c'est rien du tout ça. Il y a Tahammel, ça lui fait rien du tout. Et peut-être même qu'il par Bismillah Ta'ala, il guérit plus vite. Parce qu'il y a aussi beaucoup du, comme il dit, la force psychologique qui joue. Le mental, comme on dit, il joue beaucoup. Et le mental des musulmans, c'est son tawakkul, bien évidemment. C'est pas une chose à part. Chez les koufars, il n'y a pas de tawakkul. On prend les masa'il. قال فيه مسائل الأولى التعريض في اللبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. Qui a le fait de blâmer durement, le fait de porter justement ces anneaux et des fils ou ce qui ressemble pour ce genre de raison. Car à la base, porter un anneau, c'est permis. Tu portes un fil sans raison, c'est permis. Bien qu'à la base, porter des bracelets pour les hommes, les machins disent c'est chapeau le bénissa. À la base, l'homme ne porte pas des trucs comme ça. Peut-être la montre, c'est une haja, sinon porter un bracelet comme ça sans raison, il n'y a pas. Mais c'est pas du shirk quoi. Thania, ana sahabiya, law mata wa hiya alayhi ma aflaha. Fi shahidun li kalam as-sahaba ana shirk al-asghar akbar min al-kaba'ir. Que le sahabi, c'était un sahabi pourtant, s'il était mort avec cette croyance, avec cet anneau, il n'aurait jamais réussi. Donc si cela est valable pour un sahabi, qu'il y a des gens qui sont venus après eux. et que le cheikh Akbar ou Assar, les deux font partie des grands péchés. Thalitha, annahu lam ya'dhur bil jahala. Il dit qu'il n'a pas été excusé par l'ignorance. C'est là que le cheikh fait un tambi par rapport à ça. Il dit adal qawl fi nazar. Le qawl du mu'allif est discutable. Car justement, il est excusé. Il n'a pas été excusé dans quel sens ? Qu'il était blâmé pour cela. Enfin, il n'y a pas eu de jugement qui a été mis sur lui parce qu'il ne savait pas. C'est là que le shir dit qu'il parle de l'excuse pour le rose bil jahl. Rabi'a, annaha la tanfa'u fil 'ajila bal tadurru li qawlihi wa la tuziduka ila wahnan. Que cette chose-là ne te sert à rien même sur le moment. C'est ça qu'il veut dire. Plutôt elle te nuit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit elle ne te rajoutera que de la faiblesse. C'est-à-dire qu'au moment où tu la portes, elle ne t'a rien apporté. C'est-à-dire même maintenant, là, ça ne t'a pas guéri. Et au contraire, par la suite, tu auras encore plus de mal. Al-Khamisa al-Inkar bi-Ta'liz ala man fa'ala mithla hadha ou mithla dhalika. Le fait de réprimander durement, sévèrement celui qui aura fait cela. Sadisa al-Tasrih bi-anna man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Clairement, qu'une personne qui s'accroche à une chose, il sera confié à cette chose-là. التصريح بان من تعلق تميمه فقد اشرك. Celui qui s'accroche à une amulette, il est associé. الثامنه ان تعليق الخيط من الحمى من ذلك. Le fait d'accrocher un fil pour la fièvre fait partie de ce shirk. التاسعه تلاوه حذيفه الايه دليل على ان الصحابه يستدلون بالايه التي في شرك الاكبر على الاصغر كما ذكر ابن عباس في ايه Al-Baqarah. Que la récitation de Hudhayfa, de ce verset qu'il a cité, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dalil, que le sahaba peuvent prendre un verset qui parle de Sheikh Akbar pour une chose qui est de Sheikh Asghar.